Il y en a un qu'on va décider de croire, parce qu'il y en a un qui fait fonctionner son cerveau plus que de raison dans cette émission, autour de cette table. C'est pourquoi il est en surchauffe. Il est en surchauffe, tel le moteur trafiqué d'une voiture tunée sur le parking du Auchan de son Nord natal. Notre Golf GTI à nous, Aymeric Lompré. Bonjour à tous, vous allez bien ? Moi aussi, je vais bien. Merci de demander. Enfin, ça va mieux. Hein, voilà, pendant les vacances, j'étais hyper malade. J'ai eu ce qu'on appelle dans le milieu de la médecine homéopathique une angine foudroyante à double torsion. Qui, dans le milieu de la vraie médecine, ne veut absolument rien dire. Mais je m'en fous un petit peu de que ça veut rien dire parce qu'en fait, voilà, j'ai décidé pendant les vacances que, voilà, à partir de maintenant, je m'en bats les couilles de tout. Voilà, je m'en bats les couilles. Je pars du principe qu'à partir du moment où Elise et Moon parlent d'humour, que Trump est président et qu'on a inventé l'appareil à raclette USB, plus rien à foutre. L'objectif, c'est de me faire virer par Guillaume. Tu sais qu'un jour, il vient de me voir avec sa petite voix de patron faible, là. Et je crois que ta chronique en langue des signes sur les moquettes, c'était celle de trop. Allez, l'actualité. L'actualité, elle est chaude. Elle est chaude. On a envie de l'emmener au bowling et lui dire, alors t'es chaud de l'actu? Tu veux que je te mette des doigts? Tu veux que je te... Plus rien à foutre. Plus rien. Ma prochaine chronique, c'est un dessin. Allez. Et vous avez vu la pollution? Les transitions, c'est pour les faibles. Merci de m'avoir écouté. La semaine prochaine, on fera du cheval. Non, je rigole. Allez, boulot. Bon, cette semaine, j'ai lu un article d'Oxfam. J'ai pas fait exprès, hein. C'était par inadvertance. Parce qu'au début, moi, je pensais que c'était un magazine sur les femmes. Tu sais, genre comment comprendre leur comportement, leurs habitudes alimentaires, leur mode de reproduction. Et pas du tout, en fait, c'est sur l'écologie. Et je me suis dit, ouais, c'est pas beaucoup, 50 pages pour les comprendre. Bah, les couilles. Bon. Dans l'article, ils disent que les 50 personnes les plus riches du monde polluent autant que 1,3 milliard de personnes. Alors là, bon, finito les pipis sous la douche. Moi, ce que je dis maintenant, c'est qu'on va les tuer, les 50 personnes. On les tue. Non, tu... Putain, il y a quelqu'un qui a pété ou quoi? Juliette, t'as pété? Bah non. Enfin, il n'y a pas que moi qui lâche la rampe, là. Non. C'est grave de péter au boulot, Juju. Bon... Allez, on tue pas les gens, on est contre la peine de mort ici. À part pour les gens qui disent que le popper ça sert à rien, ceux qui disent que la carte au trésor c'était mieux que le big deal, et ceux qui pètent au travail, Juliette, merde! Putain, c'est pas possible, c'est un enfer, t'as mangé Welbeck ou quoi? Attends! Non, par contre, bon, on va pas tuer les 50 les plus riches, mais ce qu'on pourrait les faire, c'est les emmener, c'est les envoyer sur une planète. On les envoie, c'est genre la planète Klouk. Et au hasard, on prend Bernard Arnault. Voilà, Bernard Arnault qui émet autant de CO2 en 3 heures qu'un Français dans toute sa vie. Lui, le mode bat les couilles, il est né avec. Hein. Ouais, bon, tu sais, il est sorti du vagin de sa mère en humeur, comme ça. Tu sais, il a coupé le cordon avec ses dents. Pardon, je vais créer de l'emploi. Voilà. Eh ben Bernard, qu'est-ce qu'on fait? On lui fabrique une petite fusée, hein, alors une fusée de riche, hein, avec des dorures, de la moquette, du sang d'Africain, et hop, que ça, il va polluer d'autres planètes. Voilà, pareil pour Pinot, Musk ou Bezos. Alors, désolé pour les habitants de la planète Klouk, hein, mais voilà, chacun pour sa peau, bah, les habitants de la planète Klouk, ils vont voir 50 connards débarquer dans une fusée en marbre, ils vont être là... Et comment leur donner tort? Mais bon, je me demande si c'est pas raciste quand même. Pour les Klouksiens et les ouais, Klouksiennes. Ouais. Pourquoi tu me coupes pendant ma chronique? Pour donner un petit peu, une petite plus-value. Ouah, j'ai une remontée de LSD. Non, allez, hé. Mais bon, bref, et les Klouksiens, s'ils sont pas contents, voilà, hein, ils ont qu'à faire comme moi, s'en battre les couilles. Merci d'avoir écouté.